vieux chant du sud, c'est le tam tam d'un cœur qui bat. Yeah man, quand tu tchatches, c'est la voix de la révolution. Yes I, c'est l'écho qui dénonce toutes les conventions. Entendez-vous le chant du sud, au loin là-bas, far away. Entendez-vous le chant du sud, au loin là-bas, far away. Fait d'espérance et de peur. Entends-tu les génocides, les délires des grands dictateurs? Hey, quand tu pleures, c'est le cri de ta génération. Et même si tu meurs, tu emportes tes illusions. Entendez-vous le chant du sud, au loin là-bas, far away. Entendez-vous le chant du sud, au loin là-bas, far away. La vie trouvera son chemin.